Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées du 16 au 19 juillet dans divers pays. L'agence de presse d'Internet russe Primorsky Reporter, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme, du Comité national d'études des Ejujutsu du Congo démocratique, de l'Association d'amitié Pectusan Tchèque-Corée et du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée ont présenté que le maréchal Kim Jong-un a assisté au spectacle des cercles artistiques des femmes des militaires des unités sélectionnées au deuxième tour du sixième concours des cercles artistiques des femmes des militaires de l'armée populaire de Corée. Le homepage d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jong-lisme a donné la nouvelle de son inspection de l'Institut de l'architecture Pectusan, alors que le homepage d'Internet russe irkutskblogspot.ru a présenté avec cette nouvelle son inspection à la fabrique de cuir synthétique de Pyeongsang. À cette occasion, les homepages d'Internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.